les gens me regardent bizarre. Les gens me regardent bizarre. Les gens me regardent bizarre. Si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre et j'ai tellement peur au final. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre et j'ai tellement peur au final. Parce que je ne marche pas, je roule pourtant le cœur en paix. Je me sens marcher dessus comme si je rampais. Je suis des vôtres, sauf que je ne marche plus, c'est tout. Je suis ce qu'on appelle un obèse, en surpoids. On se moque de moi et ma démarche une fois sur trois. À chaque rentrée de classe, j'ai l'impression que le monde s'écroule. Les regards sont durs, alors je baisse constamment le mien. Je brise les murs, quand y'a personne, je m'en frotte les mains. Et je me dis, c'est peut-être ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si c'est ma faute. Prie pour moi que Dieu me pardonne, oui, c'est ma faute. Sûrement j'ai pas les bonnes paroles et je ne comprends toujours pas pourquoi. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre et j'ai tellement peur au final. J'ai la taille d'un enfant de 7 ans. Étant plus jeune, j'attendais que mon corps s'étende. Quand je fais les cours, je demande de l'aide au plus grand. Pas le choix, c'est trop haut, et puis j'ai plus le temps. J'ai pris de l'âge, m'assume totalement. J'ai une femme en or, c'est bon, je me tue plus haut calmement. Et c'est fou comment les gens nous poussent à devenir fous. Je suis sur mes gardes, me demande pas de pas calculer. Vos regards sont des coups de poignard. Je suis différent, je vais assumer. Un peu comme si j'étais un bagnard. Que ça fait mal, quand tu vois que personne t'écoute, oui ça fait mal. Oui parfois le monde me dit, j'ai tellement mal. Au point de ne plus sentir les coups, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre, et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre, et j'ai tellement peur. J'ai un cœur comme toi. Non, tu ne peux pas me comprendre. Je suis dans un réel combat. Tu sais, je suis pas si différent. J'ai un cœur comme toi. Non, tu ne peux pas me comprendre. Je suis dans un réel combat. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre. Hey.